comme ça, à ma manière. Il se réveille d'un autre amour. Et la terre est bien ronde. Et la lune, quoi, la lune? La lune est si blonde, si blonde. Que ce soir, danse les envoyés forts! Vous voulez chanter ça, là? Ok.